Dieu Tout-Puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur. Esprit de la sainteté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir la sœur Linda. Bonsoir frère Julien, shalom, shalom. Oui, le temps qu'on règle ces quelques petites situations qui, avec les appareils de l'autre côté, on écoute, on continue à écouter la musique, d'accord? Amen. Bienvenue à Julien, parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne, tu es le Dieu de compassion, tu es tout le puissant, tu es qui donc pourrait par hasard se comparer à toi, qui donc pourrait par hasard se comparer à toi, le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de tout parfait, tu es guéri des guerriers, tu es tout puissant, tu es les mots me manquent pour décrire la grandeur. Bonsoir et bienvenue dans Espagne dans la sainteté. Comment tu vas ce soir? Heures ici à Douala, il est 23h à Madrid. Comment tu vas ma soeur? Je vais bien par la grâce de Dieu, frère. Voilà. Shalom. J'espère que les autres ne sont pas fatigués, n'est-ce pas? Pardon, frère. J'espère que les autres ne sont pas fatigués. Voilà. Je crois que non. Alors, ils étaient là. Je suis à votre service maintenant, le temps qu'ils nous rejoignent là. Ça va? Raconte-moi des enseignements, la lecture, la méditation, la prière. Comment ça va? Oui. C'est une confrontation, frère. Oui, dis-nous. Qu'est-ce qu'on voit ce soir? Qu'est-ce qu'il y a comme question? Bon, ma première question, bon, c'est même la seule qui embarque peut-être plusieurs volets. Lorsque nous disons dans Romains, au chapitre 1, au verset 1 jusqu'au verset 6 pratiquement. Alors l'apôtre Paul, je lis ou... Lis. D'accord. Alors, ma version, c'est le français courant. Comme tu parles couramment français, vas-y, lis cette version-là. Cette lettre vous est adressée par Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et choisi pour proclamer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Cette bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur qui, dans son humanité, descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. Par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de toutes les nations à lui obéir en croyant. Vous êtes de ceux-là, vous qui, ayant reçu l'appel de Dieu, appartenez à Jésus-Christ. Amen. Amen. D'accord. Alors, ma question est la suivante. Quand est-ce que, parce que l'apôtre Paul dit ici, ayant reçu l'appel de Dieu, comment puis-je savoir que j'ai reçu l'appel de Dieu? Bon, cette question déjà m'amène déjà à comprendre aussi que quand est-ce que je peux savoir que Dieu me parle ou pas? Qu'est-ce que c'est que l'appel de Dieu? Quand est-ce que je peux dire que j'ai une relation avec Dieu au point d'intimer que j'ai réellement reçu l'appel de Dieu? Bonne question. Ayant reçu l'appel de Dieu, appartenez, il dit, vous êtes de ceux-là, vous qui, ayant reçu l'appel de Dieu, appartenez à Jésus-Christ. Comment est-ce que je sais que j'appartiens réellement au Seigneur Jésus-Christ? Bon, premier volet. Oui. Et l'apôtre Paul dit, par lui, au verset 5, par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre. Ceux qui se proclament apôtres, beaucoup disent que je suis apôtre. Comment devons-nous ou par quoi devons-nous reconnaître un apôtre Attends, en son nom? à ton entrée là, Bon, tu avais dit que tu avais combien de questions? bon, tout ça, en fait, cette partie m'amène à me poser beaucoup de questions, celles Donc que je suis en train d'énoncer là. finalement, c'est une question, c'est un arbre qui a beaucoup de racines en bas alors quoi. Oui, en fait, c'est ça. Et des questions sérieuses qu'il faut examiner maintenant à la lumière de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui, Et frère. pourquoi ne pose, pourquoi ne pète pas des filles, il va falloir Oui, qu'on parle frère. méthodiquement et doucement. N'est-ce pas? D'accord. Allons-y, je suis à ton service, pose les questions. D'accord. Et il dit, par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom, des hommes de toutes les nations à lui obéir en croyant. Alors, cela m'amène à dire que Paul a une mission. Quand il dit, par lui, j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom des hommes de toutes les nations à lui obéir en croyant. Oui. Alors, donc, je ne sais pas si je peux dire par là où cela signifie que Paul a eu une mission. Ok, maintenant, je veux un peu rapprocher ça parce que moi, j'ai fréquenté des églises, des dénominations. Alors, dans la dénomination, il y avait un apôtre, la dernière que j'ai fréquentée, il y avait un apôtre, un frère qui a dit, je suis apôtre. Bon. Et il a dit, le Seigneur m'a donné une mission et une vision. Si nous allons dans Habacuc, verset 2, c'est Habacuc 2, 3, 4, un instant. Habacuc, le Seigneur dit d'écrire la vision sur les tables. Attends, l'Éternel répondit. Et voilà. Nous sommes à Habacuc, verset 2, chapitre 2, pardon, frère. Chapitre 2, du verset 2 au verset 4. Je lis. L'Éternel répondit, écris cette révélation et grave-la sur les tablettes, écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attendez-le patiemment, car il vient sûrement. Il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Amen. Amen. Dans cette assemblée, il y avait un apôtre qui disait et qui dit toujours que le Seigneur l'a appelé à être apôtre et que il a reçu une vision. Et sa vision est, comment le dire en français, voilà, évangéliser, les nations. et amener le pouvoir surnaturel dans toutes les nations. Et alors, il a une vision et il a une mission. Qu'on est spécifiquement quelle est sa vision et comment il doit travailler parce que le Seigneur lui a confié une certaine tâche. Alors, je me posais la question de savoir est-ce que la vision était biblique? Est-ce que la mission est biblique? Alors, lorsque j'ai lu ce passage, ça m'a interpellé en fait. Dans quel sens t'as Et, interpellé? pardon? Dans quel sens ça t'a interpellé? Dans le sens où l'apôtre Paul dit effectivement, le Seigneur m'a donné, m'a appelé et m'a établi comme apôtre en son nom. Et il m'a confié telle chose. Alors, moi, je comprends que lorsqu'on te confie quelque chose, c'est une mission. Peut-être je me compte, c'est là alors ma question. Et je vois aussi dans Habacuc qu'il y a eu une vision qu'il a fallu écrire sur des tables et que des gens devaient suivre. Oui. Alors je vois que c'est biblique. Bon, la Je question, ne sais pas. en restant dans Habacuc, lis à partir du verset 1, du D'accord. chapitre 2. Pour qu'on ne puisse pas mélanger les choses, Habacuc 2, d'accord? Oui. au verset 1. Je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. Je continue, frère. Continue, continue. L'Éternel répondit, écris cette révélation et grave-la sur les tablettes. Écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sur moi, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. Donc, on comprend ici que ce sont des prophéties de la venue du Seigneur Jésus-Christ, de la manifestation de la grâce, du salut qui est annoncé par Jésus-Christ et de la venue du Seigneur, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de vision des ministères du prophète Habacuc. Il n'est pas question de la vision de Habacuc par rapport à son ministère parce qu'il est prophète. Lis le chapitre 1, verset 1. Verset 1 à 3. Un instant. Alors, je lis Habacuc au chapitre 1, verset 1. Proclamation dont l'Éternel a donné la révélation à Habacuc, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, appellerai-je à l'aide sans que tu entendes mon cri? Jusqu'à quand devrais-je crier vers toi au sujet de la violence sans que tu nous délivres? Pourquoi me fais-tu voir de telles injustices? Peux-tu rester indifférent à nos tourments? Je ne vois devant moi que ravages et violences. Il y a des querelles et des conflits surgissent. À cause de cela, on ne respecte plus la loi. Et Stop. le droit. C'est bon. D'accord. Donc, nous voyons effectivement que nous sommes dans une période où Israël est dans une situation où la loi n'est pas respectée. Il y a de l'anarchie, il y a de l'iniquité, de l'injustice partout, au point où le prophète, lui, ayant le cœur de Dieu, voit effectivement comment la loi est bafouée et il se tient à son poste pour prier et intercéder jusqu'à quand ceci va durer, Seigneur. Et Dieu lui donne une révélation et il a dit qu'il écrit cette révélation-là dans le livre, même s'il tarde, attend là parce qu'il va attendre, qu'il va regarder. Et en fait, Dieu veut lui dire que ne t'inquiète pas de regarder cette situation, la situation qui est devant de toi, ça doit changer. Pour être sûr, écris cela pour qu'on puisse lire. Parce que ça va changer à coup sûr. Donc cette situation que tu es en train de vivre n'est pas éternelle. Ça va changer manifestement. Mais au moment où, dans la période où ça va te manifester, sache que c'est par la foi qu'on doit vivre. Parce que par les œuvres, les gens n'ont pas pu vivre et n'ont pas pu respecter la loi de Dieu. Donc ici, il s'agit d'une prophétie. Je suis en train de vouloir mettre les choses au clair par rapport aux questions que tu as posées concernant Romains, les appels et les visions du Seigneur, les missions. Ceci n'est pas une vision pour la mission du prophète Habacuc. Habacuc est prophète. depuis la naissance. Ici, il est en train de voir une prophétie en prophétisant sur le Messie, la période, ce que les justes sont en train de faire, comment le salut va aller dans les nations, ici, ici, et la foi sera prêchée et la venue du Seigneur Jésus-Christ par rapport aux nations. Donc, c'est ça dont il est question. Il n'est pas question de la vision pour avoir son ministère. D'accord, ma chère? Amen. Voilà, maintenant. Mais cela étant dit, restons dans le cadre maintenant purement de néo-testamentaire où on a aujourd'hui, comme tu as dit, la dernière assemblée où tu étais, il y avait un apôtre qui a dit que c'était une chose qu'il a été appelé apôtre. Et quelle est la question que tu voulais parler vis-à-vis de l'apôtre Paul, toi, nous aujourd'hui, les apôtres, ainsi de suite? Qu'est-ce que tu voulais parler? Je voudrais savoir, par rapport à l'appel d'apôtre, par rapport au ministère, oui. Qui est-ce qui peut s'appeler apôtre? Comment? Donc, restons d'abord là-bas. Qui est-ce qui peut s'appeler apôtre? Répondons à la question d'abord, d'accord? Oui. Maintenant, nous allons répondre manifestement. La Bible révèle que tout le monde peut se faire appeler apôtre. D'accord? Bonsoir et bienvenue à notre bien-aimé frère, le serviteur de Dieu qui se trouve du côté de la France. Bonsoir au frère Stéphane. Bonsoir. Bon, il lève seulement la main, il lève seulement la main comme la sœur. Bonsoir, sœur Linda. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir. Oui, tu es entré dans l'Espagne, dans la sainteté. Tu es en train d'écouter doucement les bonnes questions que notre sœur Linda posait là. Tu as suivi le début, n'est-ce pas? Bon, elle a posé la question, qui peut aujourd'hui s'appeler apôtre? J'étais sur le point de lui dire clairement que, d'après les Saintes Écritures, tout le monde peut se faire appeler apôtre. D'abord, premièrement, d'accord? Tout le monde peut se faire appeler apôtre. Prends une feuille. Je crois que comme il n'y a pas assez de temps, je vais lire, je vais citer certains passages seulement. Et puis vous connaissez, il va donner les références. Vous y êtes? J'y suis. Notez Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Vous y êtes? J'y suis. Voilà. Dans Apocalypse chapitre 2, l'Esprit corrige, après avoir donné les félicitations à l'église d'Éphèse, lui donne une injonction là-bas, en le félicitant. Il dit que il y a des gens là-bas qui se disent apôtres. Oui. Et qui ne le sont pas. N'est-ce pas? Vous avez moi? Amen, frère. Donc, Apocalypse chapitre 2, je crois que. Apocalypse, le chapitre 2. À l'église d'Éphèse, vous y êtes? Oui, frère. Voilà. Regardez le verset 2. Je connais tes œuvres. C'est pas ce que ton français courant là va nous dire. Je connais tes œuvres. Je crois que c'est mieux que tu lises dans ta version là-bas. Verset 2. Je connais ta conduite, voilà. La peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Voilà. Non, c'est bon. Le verset 2 seulement. Donc, ici, il dit au messager de l'église d'Éphèse qu'il a pu déceler que ceux-là sont des menteurs. Enfin, d'après ta version, la version du second parle d'éprouver. Il dit qu'il les a éprouvés, ceux qui se disent apôtres. Donc, je suis en train de répondre à la question. Tu dis, qui est-ce qui est appelé apôtre aujourd'hui? Il dit, tout le monde peut se faire appeler apôtre parce que chacun peut se dire n'importe quoi. La preuve en est qu'il y a des gens qui se font appeler général aujourd'hui. Pas vrai? Amen. Alors, la question c'est, est-ce que le titre d'abord des généraux se trouve dans la Bible? J'ai jamais vu. Peut-être dans la Bible du frère Stéphane. Frère, tu as la Bible générosité. Il y a le mot général là-bas dedans, dans ta version générosité. Non, frère. Ok. Bon, là, je te pose la question. Où est-ce que tes frères prennent ce titre-là général? Où est-ce qu'ils prennent? Ils vont prendre le titre. Ok. Lorsque on avance donc dans ces cas. Archbishop. Où est-ce que ça fait? Vous voyez que c'est même encore plus très grave que ce sont même les bishops qui emploient, qui consacrent même les apôtres aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est le monde à l'envers maintenant. C'est-à-dire que ce sont les anciens qui consacrent les apôtres et les mettent dans leur ministère. Vous entendez un apôtre qui a quitté dans un endroit, il dit qu'il est allé en Amérique. On a dit qu'on a reconnu en lui le ministère de Archbishop. Il quitte lui apôtre pour Archbishop. Il croit que comme le titre, le son là, ça donne bien Archbishop. Ça veut dire qu'il dépasse, il est au-dessus de tout le monde. Or, ça n'a pas un sens biblique. Je sens de vouloir balayer avant qu'on entre profondément dans les Saintes Écritures concernant ce sujet-ci. Alors, lorsqu'on avance, on voit le titre pape. Où est-ce que ça vient? Le titre? Le titre pape, ça vient d'où? Aucune idée, frère. Ok. Typique de l'Église catholique. Comment, mon frère? C'est typique de l'Église catholique, à ton côté. Ok, il faut toujours les citer comme ça. Là. Ok, pape, papa, veut dire quoi, au juste, en termes français? Ça veut dire quoi, pape? Père, non, je crois. Père. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 23, 8? Que personne ne soit appelé Rabbi, que vous êtes tous frères. Et quand il interdit qu'on appelle les gens père, on tourne, on appelle, les gens commencent à appeler pape. Qu'est-ce qu'ils sont d'appeler? Pas en contradiction avec Matthieu, une fois, justement. On continue. Il y a des gens qui ne veulent pas dire pape. Dans toutes les classes de ces clergés-là, les plus bas, on les appelle les curés. Ou mieux encore, il y a les abbés. N'est-ce pas? Que veut dire abbé? Vous entendez l'abbé Pierre, l'abbé telle ou telle chose. Qu'est-ce que ça veut dire abbé? Franchement, je n'ai pas cherché à savoir. La Bible déclare que c'est par l'Esprit de Dieu que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Donc le mot abbé vient de ce mot-là, Abba, qui veut dire Père. Donc vous voyez que du plus petit clergé catholique jusqu'au plus grand, on les appelle tous Père sans vous en rendre compte. Quand vous allez devant un prêtre catholique, vous dites Monseigneur. Après, quand il parle, il dit oui, mon Père. Par réflexe, vous dites oui, mon Père. Donc, c'est le même titre qu'il porte juste du début jusqu'à la fin. Vous voyez, cela, on en est, n'est-ce pas? C'est quoi, mon frère Stéphane? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je ne pense pas, frère. Parce que je sais que Abba, c'est ni hébreu, ni grec, c'est l'araméen. Oui, mais le problème, c'est que l'abbé vient de là. Je ne savais pas, justement. Non, tu le sais maintenant. Ouais. Et donc, vous voyez effectivement que du début jusqu'à la fin, dans cette lignée-là, on veut prendre la place de Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'il en est. Où nous allons voir dans les titres là-bas qui n'ont rien de biblique, mais les gens continuent à faire comme ça en disant qu'ils sont des chrétiens. La question maintenant, c'est, Dieu dit qu'il bâtira son église. S'il bâtit son église, il y met des poteaux par rapport à cet édifice là, des pierres. Si quelqu'un commence à prendre une pierre ou bien un parpaing pour bâtir, ça n'aura pas de sens parce que ça ne se retrouve pas dans cet édifice-là. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui bâtit son église. Vous voyez que la première église qui se dit être l'église de Dieu et qui dit que c'est sur elle qu'il a bâti la pierre, c'est une fausse pierre, c'est une fausse église. Dès le départ, tout est faux là-bas, pas vrai? C'est bon. Là-bas, c'est tellement faux que ce sont les pentecôtistes qui sont en train de vouloir imiter maintenant au point où les prêtres catholiques, enfin, les pentecôtistes commencent à apporter même les toges des catholiques en ayant leur canne, en disant que non, il n'y a rien de mauvais là-bas. On peut quand même prendre ce qui est bon chez eux. Même les poutres, les touches, là, c'est bien. Les tias sont bien. Ils ont aussi les barres comme les papes. Par conséquent, ils ont commencé aussi à s'appeler archbishop. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'il veut dire, c'est que là, c'est une semence pour montrer effectivement d'où les choses qu'on a à voir maintenant en train de venir. Or, dans ce livre d'Apocalypse, chapitre 2, nous voyons que dès la naissance même de la première église, dès la naissance de la première église du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans Éphèse, là, dans le livre d'Éphèse, le message à Éphèse, le Saint-Esprit leur donne un message qu'il y a un problème au milieu d'eux, qu'il y a des gens qui se prétendent être les apôtres et ils ne le sont pas. Et la Bible déclare qu'il les a éprouvés, il les a trouvés menteurs. Donc, ça veut dire quoi? Ce sont des faux apôtres. 2 Corinthiens. Souvenez-nous, je suis en train de répondre à la question, qui peut être apôtre? Tout le monde, potentiellement. Puis on va revenir maintenant au sens biblique même des apôtres et puis voir comment ici ça se passe, d'accord? Que Dieu te bénisse. Qui peut être apôtre? Comment sont-ils appelés? Comment connaître mon appel? Comment savoir qu'il doit faire quelque chose? Comment reconnaître que je suis en relation avec le Seigneur Jésus-Christ? Des questions intéressantes qui seraient bien de répondre à cette heure de la fin. Oui, la Bible déclare effectivement qu'on s'examine soi-même pour savoir si on est dans la foi, à moins qu'on ne soit réprouvé. D'où la raison de ces styles de questions. L'apôtre Paul dit clairement qu'il a reçu la grâce et l'apostolat pour amener à la foi, à l'obéissance de la foi, tous ceux qui sont parmi les païens. Vous voyez, dans ce livre de Romains que tu as lu là. Je t'ai dit quel livre là, 2 Corinthiens chapitre 11. Que la grâce et la paix vous soient multipliées à vous qui êtes en Espagne. Amen. Savez-vous que le prêtre Paul dont tu parles comme ça, il écrivait comme ça, passant en Espagne justement. Je crois qu'il habitait à côté. Je crois qu'il logeait à côté de ta maison là-bas en écrivant ces lettres-là. Parce qu'il a dit qu'à mon passage, dans ce Romains chapitre 16, là, il a dit qu'à mon passage en Espagne, je vais passer l'hiver là-bas. N'est-ce pas, ma soeur? Oui, mais. Il faut regarder le quartier de l'apôtre Paul là-bas. Peut-être il était à côté de toi. Peut-être son nonce encore là-bas, l'ancien apostolique. C'est encore là. C'est vrai que dans les assemblées, quand tu es l'ami du pasteur, c'est comme si tu vas aller au ciel. Bon, le ciel ne contamine pas de toute façon. On ne vient pas là-bas. On ne vient pas, on vient pas là-bas par attirance relationnelle. On y vient là-bas par le contact de la sainteté du Seigneur Jésus-Christ et que ça nous transforme en sa sainteté. D'accord? C'est voilà. Aussi juste ça. 2 Corinthiens chapitre 11. Maintenant, avant de lire le chapitre 11, il faut qu'on aille à partir du chapitre 10. Je vais prendre doucement. Souvenez-vous, il y a une question ici. Je vais mettre au bref. Fait un bref aperçu par rapport à ce qui est arrivé avant qu'il introduise dans ces Corinthiens-ci. Quelque chose se passe d'abord dans l'église de Corinthe. L'apôtre Paul y prêche l'évangile Stéphane. Non, pas frère Stéphane, pas toi. Stéphane et sa famille croient, ils les baptisent. Et là, au chapitre 1, dans 1 Corinthiens, il va dire que du moins, j'ai baptisé la famille de Stéphanos et autres. Donc tu vas effectuer, il y a un frère Stéphane aujourd'hui et notre sœur de l'Espagne qui sont purement bibliques. Alors l'apôtre Paul. Il dit clairement au chapitre dans 1 Corinthiens que j'ai appris par les gens de Chloé, par les gens de Chloé, que l'un dit que moi j'appartiens ici, moi j'appartiens ici, moi j'appartiens ici. Vous vous souvenez de cela? Il dit que sur le fait vous êtes charnel, parce que Christ n'est pas divisé. Paul n'a pas allé à la croix pour vous, Pierre ou Cephas ou bien Apollo n'est pas mort pour vous. Depuis donc, le premier épître de Corinthiens, se trouve un problème, une sémence, un esprit de division dans l'église de Corinthe par rapport aux différents appelés. Qui ont été envoyés là-bas à prêcher l'évangile. Là, il pose des problèmes à l'apôtre Paul. Si vous lisez le chapitre 7 de 1 Corinthiens, il dit pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez demandé, je crois qu'il est bon pour les femmes, pour l'homme de ne pas avoir de femmes. Donc, ces personnes-ci qui reconnaissaient l'apôtre Paul comme étant l'apôtre à qui il a prêché l'évangile, il le reconnaissait, lui posait des questions d'ordre doctrinal. Et ils attendaient à ce que l'apôtre Paul leur donne plus de directives, parce qu'il y avait, plusieurs bouches. Quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est qu'à Corinthe se trouvait, puisque c'était les coutumes grecques, les gens passaient le temps à écouter les bonnes nouvelles, à écouter les visions partout, à écouter les nouvelles, comme vous voyez dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 17. On dit que tous les Athéniens passaient le temps à écouter seulement les breaking news. Vous voyez seulement tel pasteur fait comme ça, on a fait comme ça, le pasteur au PD est dit long, ainsi de suite. On essaie d'écouter, c'est comme ça qu'il passait. Mais l'apôtre Paul prêchait la résurrection. Il est arrivé là-bas, il parcourait les hautes sphères, il est arrivé là-bas, il a vu la ville pleine d'idolâtrie. Je suis en train de prendre ça pour vous comprendre que la contrée grecque était remplie de la soif de la connaissance, la philosophie. Alors, l'apôtre Paul, il sème l'évangile. Au chapitre 2, il dit que au milieu de vous, je n'ai pas semé autre chose autre que la puissance de Dieu. Vous avez vu dans ce chapitre 1, verset 1, chapitre 2, verset 1 à 4. Vraiment, je suis en allé doucement parce qu'il veut toucher vraiment le but. Il dit que je n'ai pas eu parmi vous une pensée, autre pensée que Christ crucifié. Vous voyez, et j'étais moi-même au milieu de vous, tout tremblant. Et ma parole, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs qu'enseigne la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne puisse pas reposer sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous voyez, donc ce n'est pas, il n'était pas venu avec la sagesse. La puissance de Dieu, justement, était descendue à Corinthe, telle que ça n'était jamais dépendu, au point où l'église avait le signe de don spirituel. Puissamment. Il y avait tellement de langues et autres là. C'est pour ça qu'il peut parler. Il peut aller parler des choses à un Corinthien qui ne connaissait pas. Il peut aller parler de prophéties, de parler en langue, tant qu'ils ne connaissent pas là-bas. Donc ceux-là, ils avaient reçu tout cela. Ils parlent à l'un et de nous, ils les donnent cela parce qu'il y a ça là-bas. Il leur enseigne cela. Mais il leur enseigne par rapport à l'utilité maintenant. Je crois qu'il y a une femme en France là qui est en train d'appeler là. Je crois que celle-ci, il est l'aide de travail. Essaye d'écrire à cette femme de la France. Oh, nous sommes en ligne ici. Il est temps qu'on parle de ces choses de l'apôtre Paul là. Alors, il écrit à ceux-ci de Corinthe en les signifiant que lorsqu'il était parmi eux, il a prêché l'évangile. Et certaines personnes dans de ce groupe, d'autres groupes sont venus prêcher autre évangile. Ça semait la confusion au point où chacun commençait à croire plutôt la doctrine de moi, je suis des juniors, moi, je suis plutôt de tel ou tel frère, moi, je suis de tel frère. Ça ne doit pas être comme ça. Chaque personne a reçu une grâce particulière. Vous prenez ici, vous acceptez la grâce qui est ici, la grâce qui est ici, tout cela fait la complétude. Je ne sais pas si vous saisissez. Ce n'est pas que non, vous allez croire à si ça peut croire à l'autre. Non, ce n'est pas cela. On doit reconnaître la grâce qui est dans la vie de chaque personne. Mais l'esprit de jalousie qui était à Corinthe, où on voulait chipper les gens. À Galate, il va dire que cette influence-là ne vient pas de celui qui vous a appelé. Quiconque qui vous crée cette influence au milieu vous emportera la peine. Donc les gens amenés donc maintenant à enseigner d'autres influences, c'est-à-dire d'autres doctrines autres que les apôtres ne permettaient pas et que les apôtres n'avaient pas enseigné. Au chapitre 1 donc, on va lui dire une particularité qui a la débauche dans l'église de Corinthe. Il écrit donc pour les réprimander en disant clairement que vous êtes enflé dans l'orgueil et vous n'êtes pas plutôt entré dans l'affliction afin que cette personne soit reprochée. Le chapitre 2, le deuxième livre épître de Corinthiens donc va faire état de cela parce que lorsqu'on a lu cette première lettre là, certains gens ont dû dire devant l'assemblée que l'apôtre Paul lui-même c'est qui. Il vient ici quand il bavarde, on ne parle pas, mais quand il est loin, il écrit dans sa lettre comme s'il menace les gens. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans sa lettre. Parce qu'il dit effectivement que les gens disent que lorsqu'il est là, il est faible, mais lorsqu'il est là, il parle. Et il leur dit donc que les gens, celui qui parle comme ça, sache que exactement tel que nous sommes dans notre lettre, c'est comme ça que vous êtes physiquement. Comment voulez-vous qu'il vienne vers vous? Qu'il vienne avec la radiesse que le Seigneur nous a donnée pour votre édification, parce que Dieu nous a donné les armes offensives et défensives de la parole. Il dit, quelles qu'en soient ces personnes qui sont venues parler comme ça, quand il va venir, on va mesurer la puissance qui se dégage en nous. C'est ce que mon frère, grand frère Paul parlait. Donc il y avait un problème là-bas où les gens disaient que l'apôtre Paul, on ne voulait même pas reconnaître son autorité, reconnaître son apostolat. Maintenant, aux Corinthiens, devait adresser une deuxième lettre. La deuxième lettre, c'était un pour les féliciter. Elle a dit qu'en réalité, le but de sa première lettre, ce n'était pas pour les proposer à tristesse. Et que quand bien même la lettre les avait attristés, il ne se repentira jamais d'avoir fait, parce que la tristesse, selon Dieu, produit la repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Et par conséquent, cette lettre-là avait eu effectivement son impact, parce que la personne qui avait été accusée dans 1 Corinthiens chapitre 5 avait reçu la repentance et est revenue à la voie. Mais l'apôtre Paul a salué cela, maintenant il se met donc à commencer à dire aux gens qui viennent là-bas pour enseigner autre doctrine. Là maintenant, nous nous trouvons au chapitre 10 de 2 Corinthiens, on y va. J'espère qu'il ne va pas vivre là maintenant. Ça va, frère. Voilà, merci. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, écoutez très attentivement ce qu'il va dire. Regardez. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous. Donc, oui, effectivement, quand il séjournait là-bas, au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Donc, quand il est éloigné, le fait qu'il les aime, il a toujours cette attention là, son cœur est par là-bas pour regarder, pour voir. C'est pour ça qu'il a envoyé Timothée au-delà pour regarder que le tentateur ne les a pas tentés et qu'il s'est succombé. Verset 2, il dit, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance, avec cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Vous pouvez regarder la confrontation que l'apôtre Paul a dû avoir, mes frères. Vous voyez cela? Regardez la façon dont il est dur. S'il y a une parole dure de l'apôtre, c'est ceci. Il a été averti effectivement ici là que il y a quelques-uns parmi vous qui disent que nous marchons selon la chair, que les gens ne parlent selon la chair. Puis il dit ici, verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Il savait que le combat qui était à Corinth, c'était le combat spirituel. Parce que c'est vrai qu'il y avait une divinité là-bas. Verset 4, et nous avons cité ces choses aussi. Nous citons effectivement, nous prenons cela pour renverser le raisonnement. Mais voici donc effectivement le raisonnement qui était là-bas à Corinth. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, écoutez encore notre avertissement. Écoutez cela. Verset 6, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Ah mon Dieu, l'autorité de l'apôtre. Nous parlons de l'apôtre ici. C'est pas l'apôtre des dîmes et autres là-bas qu'on met le tapis vert aujourd'hui. Les gars de Koku à côté, on dit que non, voilà un grand apôtre. C'est pas les caractéristiques de l'apôtre là-bas. Cette chose que nous avons aujourd'hui, c'est tout sauf les apôtres. Ça, ce sont les gens qui veulent se comparer aux ministres du monde, aux gardes du corps du monde et autres là-bas. Ici, regardez bien. Verset 6, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Maintenant, 7, vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité, vous voyez cela, frère? De l'autorité que Christ, vous y êtes, que le Seigneur nous a donné. Pas que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur nous a donné. L'autorité que le Seigneur nous. Pourquoi il écrit ici nous? L'apôtre Paul ne s'inclut pas lui-même. Si vous regardez au chapitre 1, au chapitre 1 de deuxième épître de Corinthe, une fois de plus, qu'est-ce qu'il écrit? Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous ceux qui sont, de tous les saints qui sont dans l'Achaïe, dans toute l'Achaïe. Ici, les auteurs de ces épîtres sont principalement Paul et Timothée. Donc, quand il écrit ici nous, il inclut directement l'apôtre missionnaire, ou mieux encore, l'apôtre délégué Timothée. Dans cette autorité qu'a donné le Seigneur. Vous voyez cela? Il n'a pas dit. Il dit ici, et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Il ne dit pas que de l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Parce que ce n'est pas lui seul qu'on a conféré cette autorité. Mais à chaque ministère et à chaque appel, ça tient une autorité de Christ. Parce que le simple fait que c'est Christ qui est appelé, ça fait autorité. Le simple fait que c'est Christ qui est appelé, ça fait autorité. Autorité ne consiste pas à gronder. Ça insiste du fait qu'il y a un mandat, il y a un dépôt, il y a une signature, il y a un envoyeur. Lorsqu'un policier se met devant une maison avec un mandat de perquisition, il n'est pas là tout simplement pour se balader. Vous pouvez lui faire n'importe quoi, mais quand le juge a déjà envoyé par exemple un mandat de dépôt ou un mandat d'amener, ah mon Dieu, mon roi, cette chose-là lui donne autorité de vous amener et de vous amener manu militariste partout où ça se là. Lorsqu'on envoie des missions de recherche, il y a des posters wanted, vous entendez que telle personne est recherchée. À tout endroit que telle personne est découverte, ramenez-le dans la gendarmerie le plus proche. Donc lorsqu'on vous trouve avec ce mandat qui est écrit derrière vous, on vous attrape, on vous amène dans n'importe quel gendarmerie ou bien n'importe quel commissariat. Vous voyez ça, frère? Ici, il y a une autorité que Christ a conférée à certaines personnes. Il n'a pas donné son autorité à tout le monde. Il dit ici que l'autorité que le Seigneur nous a donné ici, il met le « nous » parce qu'ils sont deux ici dans cette lettre-ci particulièrement. Donc en premier lieu, c'est lui et Timothée qui sont en train de parler. Maintenant, le volet suivant dit « pour votre édification et non pour votre destruction ». Je ne saurais en avoir honte. Donc, ça veut dire que même s'il se glorifierait un peu pour l'autorité que Christ leur a donnée, il ne pourra pas avoir honte. Or, cette autorité-là a été donnée pour leur édification et non pour leur destruction. Ça veut dire qu'en utilisant le commandement par l'autorité que Christ leur a donnée, même si ça les fait mal, c'est pour leur bien parce que ça les édifie plutôt. Ça ne peut pas les détruire. La preuve, dans 1 Corinthiens chapitre 5, lorsqu'il a parlé qu'un tel homme, lui, étant absent de corps, j'ai déjà jugé cet homme. Mais maintenant, essaie de dire ça aujourd'hui dans notre ère. On va dire, tu es qui? Tu te prends même pour qui? Un prétentieux. Tu es qui? Les apôtres pouvaient le faire. On dit, les apôtres pouvaient le faire comme si c'était des êtres surnaturels. Ce sont des gens qui sont nés des femmes, qui ont vécu des difficultés comme nous, qui avaient des douleurs comme nous, mais qui avaient de l'autorité conférée venant du ciel. On va aller tout à l'heure dans le livre des Jean, chapitre 15, verset 16. Donc ici, l'apôtre Paul dit que cette autorité leur a été donnée pour l'édification et non pour la destruction. Et il dit, voulez-vous que j'emploie cette autorité et que même si... je me glorifie un peu de cette autorité-là. Il dit que je ne saurais en avoir honte. Verset 9. Afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Vous comprenez pourquoi quand on parle des femmes qui n'ont pas enseigné aujourd'hui, oh, là-bas, vous voyez pourquoi les pasteurs prennent cette chose aujourd'hui et les femmes aussi prennent ces choses. Parce qu'on lit, on comprend exactement ce que l'apôtre Paul voulait dire. Il dit qu'il intimide dans ses lettres. Non, c'est Paul. C'était les pensées de Paul. Maintenant, continuons. Verset 10. Car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. Donc il avait même le feedback, même les messages. Non, n'est-ce pas ce qu'on voit aujourd'hui que l'apôtre Paul lui dérange? Il dérange toutes les femmes. Donc même les gens de cette époque ont parlé à l'oreille de l'apôtre Paul, il l'a entendu. On a dit que ces lettres sont difficiles, que c'est fort, il est sévère. Mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Donc il s'en est qu'il fait le pop, pop, pop, pop, pop. Seulement dans la parole. Quand il écrit dans la lettre, il profite, il se décharge là-bas. On dit que quand il vient physiquement, il ne parle pas. Mais qu'est-ce qu'il va le dire? Il va le dire, verset 11. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absent, tel aussi nous sommes dans nos actes, étant présent. C'est vrai que s'il était présent, c'est comme ça qu'il dirait. Amen. Mm-hmm. Le problème, c'est au niveau des... lorsqu'on prend la plume pour écrire, qui écrit au travers de la personne? La question doit être répondue. Ça, c'est un. Quand quelqu'un se tient devant eux en train de parler de la part du Seigneur, qui est-ce qui est en train de parler? Aux Thessaloniciens, il va les féliciter en disant que c'est vraiment un bravo pour vous qui vous avez reçu la parole de Dieu, non pas comme c'était la parole d'un homme, mais dans ces paroles que vous avez reçues, agir en vous qui croyez. Vous voyez? Parce que comme elle est véritablement les paroles de Dieu. Or, vous lisez que c'est tout simplement, c'est comme si c'était une lettre qu'il est en train d'écrire. Mais pourtant, c'est la parole de Dieu qui y sont imprimées. On continue, verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Ça veut dire que dans la discussion de ceux-là, ils disent que l'apôtre Paul c'est qui? Moi je suis un grand homme de Dieu, j'ai tel ministère, qui vient ici, il bavarde. Il a déjà fait quoi, on a vu. L'apôtre Paul c'est même qui? Il est même petit comme ça de corps. Et il bavarde seulement, tu entends sa voix, il bavarde, il insulte les gens dans ses lettres. N'est-ce pas mes frères? Il dit que le simple fait de faire déjà ça, ils sont sans intelligence. Verset 13. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir jusqu'à vous. Ça veut dire que, l'apôtre Paul dit, la limite jusqu'à Corinthe, c'est Dieu qui a tracé. Donc Dieu a assigné la ligne droite et le chemin où il devait prêcher jusqu'à arriver. Donc il dit, Dieu, c'est Dieu qui les a poussés à arriver jusqu'à là-bas. Si ce n'était pas cette ligne tracée par Dieu, ils ne seraient pas arrivés là-bas. Verset 14, nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui. Soulignez bien le mot travaux d'autrui. Que nous glorifions, mais c'est avec l'espérance. Écoutez bien, si votre foi augmente, vous avez vu cela, ça veut dire que s'ils font des progrès dans la compréhension de l'évangile, un peu comme il a félicité les Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, où il a dit que vous connaissez déjà l'amour, grandissez encore en avantage. De grandir encore davantage parmi vous selon les limites qui nous sont assignées. Verset 16, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Donc, l'apôtre Paul reconnaît ici qu'il y a des limites dans le champ des missions. Il y a certaines personnes qui doivent arriver à tel endroit, l'autre va arriver. Comme il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 3, que j'ai planté, Apollos a arrosé. Donc sa limite c'était de planter. Quand il quitte, celui qui est envoyé dans le champ pour pouvoir arroser, arrose. Et puis celui qui a la mission de faire croître, lui fait croître cette chose-là. N'est-ce pas mes soeurs et frères? Amen. Espagne dans la sainteté, bonsoir, je suis en arrivée, n'est-ce pas? Bonsoir. Vous permettez que j'avance, n'est-ce pas? Vous permettez que j'avance. Verset 18. Verset 17 d'abord, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est ce que nous lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 9, verset 23. Et dans le livre d'Ésaïe 65. Verset 18, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Ce verset donne d'abord un socle solide pour les apôtres et les envoyés du Seigneur. Le verset 18 de 2 Corinthiens 10 donne un socle solide pour les enfants et les envoyés du Seigneur. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui va se présenter lui-même qui est le problème. Christ doit devoir le présenter. N'est-ce pas? C'est fort, pas vrai? Verset 18, car ce n'est pas celui qui se recommande. Souvenez-nous, j'ai répondu ici que tous peuvent être apôtres. Parce que dans Apocalypse, on a vu effectivement qu'il y avait des gens qui se disaient apôtres, mais que le messager de l'église d'Éphèse les a éprouvés. Donc il a testé leur apostolat. Et il les a trouvés quoi, ma chère soeur? Il les a trouvés menteurs, n'est-ce pas? La qualité, c'est que le frère a pris la version Tom Sawyer, c'est la version David là, ou c'est le gros. C'est quelle version ça que tu as trouvé grosse là, comme ça là? Voilà, là, David Martin, le frère. David Martin, 1744. Que Dieu te bénisse. Cherchez même l'épée de 222. Bon, même pour Origène et Philomon. Alors, on continue ici. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc, ça dit que l'ouvrier doit être envoyé par le Seigneur. Le Seigneur doit devoir le recommander. En fait, si quelqu'un essaie de se présenter lui-même à la foule en disant qu'il est apôtre et que intimement à l'intérieur de lui, c'est qu'il n'a pas été appelé, tout ce qu'il fait là, le service gratuit. C'est le volontariat. Vous savez le volontariat, non? Quand vous faites le volontariat, on n'est pas besoin de demander le salaire à quelqu'un. N'est-ce pas, mes chers? Les volontariats, c'est un service gratuit qu'on fait pour le bien commun de tous. Bon, maintenant, chapitre 11, donc nous tombons au chapitre 11. Il peut dire, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il parle ici à ceux qu'il a appelés saints, ceux qui sont à Corinthe et dans la tour de l'Achaïe. N'est-ce pas, mes chers sœurs et frères? Alors, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, écoutez bien, remarquez très attentivement qu'il y a deux choses qui sont dites ici. Au verset 2, l'apôtre Paul dit qu'il les a fiancés. Au verset 3, il en voulait expliquer ce qui est arrivé dans le royaume dès le départ. Remarquez très attentivement une fois de plus que à la création, Dieu a semé la bonne semence. Par la suite, le serpent est venu semer l'ivraie. Même chose s'est passée ici à Corinthe. L'apôtre Paul explique qu'il les a déjà fiancés à une seule épouse, à un seul époux, comme une vierge pure, afin de les présenter sans tache ni ride devant eux. Maintenant, comme une vierge pure. Au verset 2, verset 3, il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruche, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il s'adresse à ceux qu'il a fiancés, parce qu'il dit ici qu'il les a déjà fiancés. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui est arrivé? L'influence est en train d'être donnée par pensée. Il a dit que nous renversons tous les raisonnements et nous avons toutes pensées captives à l'obéissance du Seigneur. Parce qu'en fait, ça dit que si quelqu'un on a prêché la vérité, qu'il est né de nouveau, même si le trouble n'importe comment, le Seigneur va restaurer cette voie-là. Verset 4. Car, écoutez bien, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, vous voyez, donc ils ont d'abord prêché. Et il dit qu'il y a un autre Jésus qu'on est venu le prêcher, un autre site d'évangile. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Donc, ceci, on les a prêchés Jésus par la prédication de l'évangile. Ils ont reçu déjà l'esprit de Dieu, pas vrai? Et on a dit que s'ils essaient d'avoir encore ajouté à l'esprit de Dieu, être sous une autre influence. Il dit, ou celui que vous avez, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Il dit, je vous ai fiancé à une seule époux. Je vous ai annoncé les règles de l'art par rapport à la foi. Je vous ai prié, j'ai prié pour vous, prêché et l'esprit s'est manifesté en et au travers de vous. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Dans Galates, il va dire que je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Pourtant, c'est aux gens que l'influence de l'esprit avait été donnée et le Saint-Esprit travaillait au milieu d'eux. Il dit que ceux-ci se laissent aller à de telle enseigne qu'on va prêcher n'importe quoi, ils veulent seulement accepter. C'est ce qu'il en a dit. Verset 5. Or, j'estime que je n'ai pas été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. À ces. Vous voyez cela? À ces apôtres par excellence. Si je suis ignorant sous le rapport du langage, je ne suis point sous celui de la connaissance. Donc, ça dit que s'il ne parle pas bien français, mais au moins, si vous comprenez, en comparant la connaissance qu'il a, vous comprenez que même s'il dit l'eau à la place de là, il sait de quoi il en est de parler. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Maintenant, verset 7. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Donc l'apôtre Paul a accepté les différents dons qui venaient d'autres églises. Vous pouvez voir par exemple à Philippiens, aux Philippiens, il va écrire que les gens de Philippe étaient au commencement de son ministère, étaient ceux qui sont venus en lui en aide dans son ministère. Après, il va dire maintenant qu'ils ne disent pas cela pour demander quoi que ce soit. Mais aux Corinthiens, connaissant l'esprit qui a mis aux Corinthiens, il avait refusé de prendre les dons là-bas. Et c'est pour cela qu'aux Corinthiens, il va écrire que les dons, pour ce qui concerne la colère en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai donné aux églises de la Galatie, que chacun de vous mette à part ce qu'il pourra. Puis, quand il va venir, il va choisir les gens qui eux-mêmes ils auront choisi. Parce que si celui qui prend pour partie, on va dire que l'apôtre Paul, vous le connaissez bien, il nous a dépouillé ici. L'apôtre Paul dit ici, j'ai dépouillé d'autres églises. C'est pas pour dire qu'il allait les cultiver pour comme les prédicateurs, parce qu'il ramasse de l'argent, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il a accepté de, qu'il lui donne quelque chose par rapport à la chose spirituelle qu'il recevait de lui. Mais ça ne bouge pas ton micro en train de bouger. On est en train d'avancer là maintenant. Verset 8. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Vous voyez cela? Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Ah, les apôtres. Ah, les apôtres. Maintenant, il continue. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Vous voyez, connaissant l'esprit qui les animait, ils savaient qu'ils pouvaient prendre n'importe quel sujet pour voir dire que l'apôtre Paul les a détournés. Verset suivant. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans la contrée de l'Achaïe. Ça veut dire qu'il veut dire que dans la contrée de l'Achaïe, il n'a pas mangé les 5 francs de quelqu'un. Verset 11. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ces prétextes à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Alléluia. On avance. Verset 13. Amen. Frère Stéphane, tu peux nous lire le verset 13. Bonsoir à la sœur Stéphanie. Dis-lui que, qu'elle prend le temps, qu'elle ne dorme pas, qu'elle nous écoute tranquillement de l'autre côté de l'écran, d'accord? Lui, non, vas-y, lis. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Alors, finalement, à la conclusion, il nous a dit qu'en réalité, ce n'étaient pas des vrais apôtres, pas vrai? N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Vous voulez parler? Vous voulez plus parler? On a dit, amen. Parler, okay. Alors, la question c'est, ces gens-ci se présentaient, remarquez très attentivement que l'apôtre n'est pas de s'attaquer au mondain ici. Il n'est pas en train de s'attaquer aux gens du dehors. Parce que lui-même a dit que pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez de méchants du milieu de vous. C'est ce qu'il a écrit à ces Corinthiens-ci. La question c'est, comment ces hommes-ci se trouvaient à aller enseigner aux chrétiens sans en être appelés par le Seigneur? On devrait se poser la question. Là encore, plus grave, pendant que l'apôtre Paul était vivant, lui à qui l'apostolat, le ministère d'écriture a été donné. Réfléchissons-en. Alors, écoutez-moi bien maintenant. Écoutez-moi. Quand Jésus envoie, Satan envoie. Quand les Chinois voient une marque, eux-mêmes fabriquent. C'est le continent du dragon, de toutes les façons. Vous pouvez voir la similitude. N'est-ce pas? C'est le continent du dragon rouge. Alors, quand les Chinois voient une marque, ils doivent fabriquer la même marque, mais en tordant. Donc, c'est-à-dire clairement, c'est que Christ a ses apôtres authentiques, Satan a des apôtres chinois. Pas qu'ils sont des nationalités chinoises. C'est-à-dire qu'ils sont à la manière dragonienne des Chinois. C'est-à-dire qu'ils imitent les apôtres. Mais le plus grave, c'est qu'ils étaient ici au commencement même de la naissance de l'Église. Donc, vous voyez effectivement que ces problématiques que tu poses là, ma soeur, et tous ceux qui posent ces questions-là, on ne peut pas et on ne doit pas seulement aller de façon superficielle. Il faut creuser profond pour voir la source. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et si un esprit a été semé dès le départ, ça sera comme ça jusqu'à la fin. Ils vont croître comme ça. Alors forcément, il faut qu'on admette qu'aujourd'hui, on aura deux lignées des apôtres encore sur la terre. Dans 2 Pierre chapitre 2, verset 1, que j'aime citer, il dit qu'il y a eu parmi des peuples, des faux prophètes, il y aura parmi vous. Il n'a pas dit qu'il y aura en dehors de vous, il y aura parmi. Donc au milieu chrétien se trouvent des gens qui ont des titres, et même les titres bibliques, mais non connus par l'auteur de la Bible. Autrement dit, non envoyé par lui, non commissionné par lui. Et le plus grave, maintenant, voici encore le plus grave, ce qui est plus scandalisant, c'est que ces hommes-ci qui ne sont pas envoyés de Dieu challengeaient la personne que Dieu a envoyée. C'est ça le plus terrible. Parce que ces gens-ci sont venus prêcher aux Corinthiens en tassant l'apôtre Paul, qu'il était même dû dans ses lettres, il marche dans la chair. Il cherchait de croire dans ses enseignements. Essaie de chercher comment il parle selon la chair. L'apôtre Paul lui dit que l'autorité que Christ nous a donnée, ce n'est pas pour votre destruction. Puis il s'adresse au troupeau qu'il a fiancé. Il dit que ces hommes-là qui viennent semer cette influence en vous, qui prêchent votre évangile, ne sont pas de Christ, ce sont des faux apôtres. Donc le Saint-Esprit identifie clairement l'apôtre Paul comme le messager de l'église d'Éphèse qui est là pour disséquer les vrais des faux apôtres. Et de faire que l'amour de Christ et l'authenticité de doctrine qui a été semée une fois pour toutes soient maintenues jusqu'à ce qu'il quitte la scène. Amen. Amen. Frère Stéphane, tu es avec moi? J'attends. Je peux continuer? Amen. Donc le problème des ministères d'apôtres, de l'appel apostolique, de qui est apôtre, de comment devient-on apôtre, n'est pas une petite affaire. C'est quelque chose qu'il faut parler. Parler, reparler, plonger, entrer, et puis le Saint-Esprit nous y guider. Mais on a vu une base fondamentale que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a approuvé. Parce que quand ceux-là arrivaient à Corinthe, ils se présentaient comme apôtres. Ces gens-là, on ne les connaît pas, on ne connaît pas leur nom. L'apôtre peut dire que ces hommes-là, donc ils étaient nombreux. Ces hommes-là sont les faux apôtres. Il ne dit pas que ce sont les faux apôtres de Christ. Non, que non, frère. Il ne dit pas que ce sont les apôtres que Christ a envoyés, mais ils se sont détournés en suivant la voie de Balaam. Que non. Et ils sont les faux apôtres. Donc ça dit qu'ils ont une mission. C'est Satan qui les a envoyés. Frère, le problème, c'est que Satan les a envoyés avec le nom de Jésus. Voilà le vrai problème. Donc, Satan a envoyé ses apôtres prêcher Jésus à la manière satanique. Et donc, c'est pour cela que l'apôtre Paul va dire dans Galates chapitre 1, le verset 8 et 9, que quand un ange du ciel viendra vous prêcher un autre évangile, autre que nous vous avons présenté, nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'ils savaient et reconnaissaient que l'authenticité et l'infaillibilité de l'évangile leur a été confiée. Et comme ça était dressé, comme était faisait les tentes, ils mettaient comme ça les bases pour la tente que Dieu devait être, dont Dieu devait être l'habitation. La demeure de l'esprit, l'église. Et donc quand il a posé la fondation, il a dit que cette fondation a été prêchée une fois pour toutes, personne ne doit y ajouter quelque chose, personne ne doit en poser une autre fondation. C'est à cause de ces choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qu'eux ils ont vécu, ils avaient les prémices et les secousses de cela. Des signes précurseurs de cela, des semences de cela, la gestation de cela, ils avaient cela. C'est donc pour cela qu'ils pouvaient mettre cela dans les scènes d'écriture. Mais le vrai problème là, c'est que, étant dans l'évangile ayant pris l'ampleur universelle, ces problèmes là se trouvent donc comme étant un problème universel. C'est-à-dire le problème des faux apôtres, des faux prophètes, des faux docteurs, des sectes pernicieux et de non-Seigneurs qu'on traîne en dérision se trouve universellement. Parce qu'en réalité, l'évangile est tiré à sa fin dans les nations. C'est pour cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 17, il dit que d'abord, j'entends que lorsque vous vous assemblez, il y a parmi vous des sectes. Vous voyez cela? Il dit qu'il faut qu'il y ait ça parmi vous afin que ceux qui sont reprouvés soient reconnus comme tels. Donc, parmi les chrétiens, ils se réunissaient comme ça, il y avait des sectes, des groupements. Mon Dieu. Alors, le Saint-Esprit nous dit ici que des faux apôtres sont nés avec l'Église. Mais le Saint-Esprit nous dit qu'ils ne sont pas nés dans l'Église parce qu'ils sont seulement entrés pour se greffer. Ces hommes-là sont des faux apôtres, virgule, des ouvriers trompeurs. Remarquez dans Luc chapitre 10, la moisson est grande, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Maintenant, ici, il dit que des ouvriers trompeurs. Donc, ça veut dire que ceux-ci viennent à l'œuvre de la moisson sans en être conviés, sans en être recommandés, sans en être envoyés par le commissionneur. C'est-à-dire que celui qui envoie dans le ministère authentique n'est pas celui qui envoie ceci. La question maintenant, c'est comment les distinguer. Le verset 13 nous explique encore que ces hommes-là sont déguisés. Vous avez vu cela? C'est ça, n'est-ce pas, mon frère Stéphane? Vous êtes avec moi? Amen. La Bible dit donc que ces gens, ce sont des faux ouvriers, des ouvriers trompeurs, des faux apôtres de Christ, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et puis il dit que ce n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mais le vrai problème maintenant, c'est que il dit que ces gens, ce sont déguisés, ça dit qu'ils ont porté des masques, n'est-ce pas? C'est pas frère, c'est pas bien frère. Donc si vous le voulez bien, prenons une respiration musicale et puis on revient maintenant, d'accord? Amen, frère. Mais souvenez-vous, nous revenons tout juste après cette respiration, ces cantiques. Et puis, on continue. D'accord, mes frères? Amen. Ok. Bonjour à tous et bienvenue à ce programme. Nous allons entendre comme ça la canticologue du corps de Christ, la sœur Grâce. Grâce-t-il à vos antennes. Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés. Afin de reconnaître les loups déguisés, car dans les derniers temps viendront de faux docteurs, essayant de séduire l'Église du Seigneur. Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés, car dans les derniers temps viendront de faux docteurs, essayant de séduire l'Église du Seigneur. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple, et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple, et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Aimons la vérité, connaissant le Seigneur, laissons-le purifier nos pensées, nos cœurs, saisissons la parole comme une arme aiguisée, renversant nos idoles, Dieu sera glorifié. Aimons la vérité, connaissant le Seigneur, laissons-le purifier nos pensées, nos cœurs, saisissons la parole comme une arme aiguisée, renversant nos idoles, Dieu sera glorifié. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple, et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple, et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. cessons de convoiter ce qui est dans le monde. Il faut abandonner l'orgueil et le mensonge. Aimer la volonté du Père, vivre pour lui sur cette terre. Église du Seigneur, regarde vers le ciel et attache ton cœur au trésor éternel. Combat le bon combat, la dernière heure sonne déjà. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Esprit de vérité, viens équiper ton peuple. Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants. Voilà, voilà, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Espagne, dans la sainteté. Amen. Rebonsoir. Bonsoir, Frère Junior. Frère Stéphane, rebonsoir. Son micro est fermé. Oui, frère. Qu'est-ce qui t'inspire cette bonsoir, frère. Ces mini-cantiques-là? Waouh, j'ai aimé le présentateur, les gens comme lui, la chanson. Je parlais du cantique, du cantique. Mais je parlais en général. Ah, ok. Oui. Bon, vraiment, très beau cantique. Vous voyez que si ce n'est pas le Seigneur qui veut équiper son peuple, nous tous là, on est finis, n'est-ce pas? Ouais. Par les temps qui courent. L'apôtre Paul donc dit, avant que nous prenions cette ponctuation de notre canticologue, la sœur Grâce T, nous voyons que la Bible dit que ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Vous voyez, ça veut dire que ceux-ci utilisent le déguisement. Ils feront voir en quoi est-ce que consiste le déguisement de ces apôtres. Donc, ça veut dire qu'ils portent en réalité un vêtement, un aspect qu'on pourrait confondre aux apôtres de Christ. La Bible ne dit pas que, c'est pour ça que je suis en train de m'insister là-dessus, la Bible ne dit pas que ce sont les faux apôtres, que ce sont les apôtres qui se sont détournés, qu'ils étaient dans la vérité, ils se sont détournés. La Bible ne dit pas que ce sont des gens qui ont commencé bien et qu'ils ont fini mal, ils sont devenus faux. Non, le faux est faux dès le départ, il n'y a pas quelque chose qui devient faux. Tu dois être faux dès le départ, la vérité est toujours vérité depuis le début jusqu'à la fin. La fausseté était toujours faux depuis le début jusqu'à la fin. Il n'y a pas quelque chose qui est faux qui va devenir vrai. Il n'y a pas quelque chose qui est vrai qui va devenir faux, jamais. Faux, vrai, c'est vrai. S'il y a 2 plus 2, c'est 4, ça sera toujours 4. Si vous faites vos deux doigts plus deux doigts, ça fait 5. Je sais que vous avez le doigt qui a poussé sur un autre doigt, sur une autre main. Alors, nous avons un problème aujourd'hui que nous devons examiner. Nous sommes dans le lit et le Saint-Esprit nous a montré que l'apôtre peut confronter depuis la naissance de l'Église des gens qui venaient confronter son apostolat. Maintenant, regardez très attentivement. Verset 14 dit, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, ça veut dire qu'ils utilisent les techniques de leurs mains. Ça veut dire que les gens copient chez les apôtres de Satan vont copier chez Jésus avec la touche de leur maître. Verset suivant, il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Puis il conclut que leur fin sera selon leurs œuvres. Verset 16, je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que j'ai dit, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Écoutez très attentivement maintenant. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Vous avez vu cela? Donc, il s'étonne que comment les gens qui connaissent la vérité, on vient leur dire des bêtises comme ça, ils peuvent croire cela. Que comment vous pouvez ne pas discerner que les gens s'y sont faux? Vous regardez comment les chrétiens restent dans un endroit. On dit que Jésus a parlé au porte-monnaie. Il n'a pas parlé. C'est à ça que Jésus s'est exprimé. Que tu parles à ton porte-monnaie, tu parles à ton grenier. Les gens disent amen. Bon, verset 19. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Verset 20. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Donc vous dites n'importe quoi, vous supportez, vous les chrétiens, les sages. Maintenant, et puis il dit, j'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce qui peut oser quelqu'un, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé moi aussi, je l'ose. Écoutez bien toute votre attention. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Vous y êtes? Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Donc vous voyez que sur le rapport de la chair, sur le rapport de l'arbre généalogique, ils avaient l'égalité. Donc ils peuvent se glorifier tous deux là-bas. C'est-à-dire que si c'est pour parler en termes de la chair, lui aussi il est descendant là-bas. Mais regardez là où ça va changer la situation. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs. 40 coups, moins un. 3 fois j'ai été battu de verges. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Mon Dieu. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Vous voyez ça, frère? J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus, qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins aux visions. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Il est en train de vouloir présenter les preuves de son apostolat. Vous voyez ça, frère? Verset 11 du chapitre 12. J'ai été insensé. Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devrais être recommandé. Car je n'ai pas... Vous y êtes? Je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon, en ce que je ne vous ai point été à charge. Pardonnez-moi ces torts. Amen, amen. Et que le peuple de Dieu dise amen. Amen. Voilà. Maintenant, je peux parler, n'est-ce pas? Amen. Dans Jean, au chapitre 15, le Seigneur Jésus-Christ nous explique ce qui s'est passé dans Matthieu, dans Luc chapitre 5 et chapitre 6. Si vous regardez dans Luc au chapitre 5, vous allez remarquer qu'en bordure de la mer, Jésus-Christ, après avoir parlé de la semence, va faire de la parole sur le bateau, va demander à Pierre d'avancer le canot et lancer le filet pour pêcher le poisson. Ils vont discuter là. Et puis après, il va dire que « Suis-moi, des hommes étaient ferrés par pêcheurs d'hommes. » Depuis ce jour-là, maintenant, l'apôtre Pierre commence à les suivre. Là, c'est son appel. Puis, le chapitre 6 de Luc, ça c'est l'événement de l'appel de l'apôtre Pierre, de Pierre, en tant que disciple du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement. Maintenant, au chapitre 6, allons-y au chapitre 6 de Luc. Que Dieu vous bénisse. Amen. Luc, le chapitre 6, verset 12, 13, 14 et 15. Allons-y, mon frère. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Voilà, c'est bon. Donc nous voyons ici que nous voyons exactement que le fait qu'on ait choisi, qu'on est né de nouveau, bien qu'on vienne dans le corps de Christ, ne nous donne pas la tâche d'apôtre directement. La séquence et le cliché nous est déjà montré ici. Regardez le chapitre 5. Le chapitre 5. Je vais lire rapidement à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait au bord auprès du lac de Génézaret et que la foule le pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jette le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux bacs au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvant l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'homme. » Et ayant ramené les bacs à terre, il laissait tout et le suivit. Donc on voit effectivement que ici, Jésus les appelle, ils viennent tout simplement, mais ils ne sont pas entrés encore dans leur ministère, propre ministère, en tant que ministère désigné. Au chapitre 6, donc, la Bible déclare qu'en ce temps-là, il est monté sur la montagne et a prié. Donc le problème de l'apôtre, si ce n'est pas un problème, un petit problème, oh, que les gens s'aventurent n'importe quoi pour se faire appeler apôtre n'importe comment. Jésus a dû passer toute la nuit pour prier, pour choisir les apôtres parmi les disciples. Donc, première chose, un apôtre n'est pas formé par un homme, ni désigné par un homme. C'est Jésus qui appelle directement les apôtres. Première chose. Vous avez moi, hein? Amen, frère. Et les gens, si, n'ont pas fait des formations spéciales, des formations apostoliques pour recevoir le diplôme d'apostolat. C'est une mission désignée depuis le ciel. Notez Galates chapitre 1, verset 11 à 16. C'est une mission désignée depuis le ciel parce que les apôtres sont là pour une mission bien déterminée comme tous les autres ministères du corps. Ils sont là désignés, prédestinés pour cela. Ils sont dans le corps pour cela, pour engendrer, pour catapulter le corps dans la maturité. Alors, ici, la Bible nous rend compte ici en disant qu'en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit pour prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc, la Bible veut nous faire comprendre ici qu'il avait plusieurs disciples. Mais c'est seulement 12 qu'il a dit, voici les apôtres. N'est-ce pas terrible? Pour quelqu'un qui a une mission, qui est censé venir sauver les gens partout dans le monde, il choisit seulement les 12. Alors qu'il a plusieurs disciples avec lui, on le devait désigner tous pour que le travail soit, qu'on gagne les âmes dehors, les gens qui périssent là. Il choisit seulement 12. Même pas cela, il choisit seulement 12. Et même parmi les 12, là, il y a un intrus parmi. Et il appelle aussi 12, celui-là, apôtre. Quel est le type de Judas, l'apôtre ici, que c'est Jésus lui-même qui appelle? Un apôtre traître. Vous voyez, la même chose comme le Seigneur a créé Lucifer. Même chose. Bon, je n'ai pas avancé, frère. Donc, c'est Dieu qui appelle les apôtres. Les apôtres ne sont pas faits par une élection. Les apôtres ne sont pas désignés par un comité des hommes. Les apôtres ne sont pas désignés par une réunion d'hommes à l'issue d'un diplôme de formation ou bien de quoi que ce soit. Non. Les apôtres de la Bible qui sont envoyés dans le champ de Dieu. Je crois que je préfère appeler ainsi. Les ouvriers envoyés en tant qu'apôtres dans le champ de mission du Seigneur sont appelés directement par lui. Parce qu'ils sont envoyés pour faire quelque chose, pour débrousser devant le Seigneur. Les choses qui sont là-bas, saccager ce que Lucifer a mis dans le corps et puis restaurer tout ce que Dieu a envoyé dès le départ, depuis les apôtres. Les apôtres ne viennent pas avec notre vision. Il n'y a plus une autre vision à prêcher. Les apôtres, si un apôtre vient maintenant, il va venir prêcher la Bible, ce que la Bible a dit. Quand les apôtres, quand les prophètes dans l'Ancien Testament, quand les prophètes venaient, ils ne venaient pas prêcher une autre chose. pas comme un cacophilé avec son cerveau déboussolé qui a commencé à dire que aucun prophète n'a jamais prêché Moïse. Ils passaient le temps à répéter Moïse. En répétant Moïse, ils annonçaient aussi Christ. Et puis en prêchant pour dénoncer le péché contextuel. Voilà ce qu'en quoi les prophètes étaient là. Daniel va dire que nous n'avons pas réuni tout ce que tu as donné à notre père, à notre la loi que tu as donné à notre quoi, prophète Abraham, notre père quoi, comment il s'appelle, Moïse, et toutes les calamités est arrivé. Jérémie va dire la même chose. Ézéchiel va dire la même chose. Habakkuk, Michée, Zachée vont dire, Zacharie vont dire la même chose, parlant du fait que la loi a été oubliée. Quand Élie va venir, il va dire jusqu'à quand clocherez-vous à gauche et à droite, si Dieu est pour lui, marchez selon la loi de Dieu. Quand la loi sera restaurée, quoi, les places seront déboussolées, Ozias, Joas vont restaurer en lisant d'après ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Parce que ce qui doit être gardé jusqu'au temps de la manifestation de l'esprit de la foi, l'esprit de vérité, l'esprit de grâce. Alors, quand c'est comme ça, dans la dispensation est finie maintenant, une autre chose est donnée jusqu'à vient maintenant avec la grâce et la vérité. Donc tant que la période de la grâce et la vérité n'est pas terminée, c'est ce qu'on a prêché qui va être prêché. Quand la période de la grâce et de la vérité vont quitter, les 144 vont venir prêcher autre chose. Voilà, voilà ce qu'il en est. Amen. Amen. Je vois que vous êtes fatigué. Comme il est minuit, il est quoi, une heure chez vous là. C'est ça? Il est 1 minute 13. 1 minute 13. Quand on fait les yeux comme ça, quand vous êtes fatigué, j'avance ou bien j'arrête? Non, comme ça. J'avance, mon frère. Faut pas qu'on dise comme ça que Stéphanie t'a attendu fatigué. Puis il a dit que c'est le frère Junior qui crée le problème dans les couples. Voilà. Alors, la Bible déclare, et d'après ce que nous sommes en train de voir ici, nous voyons que c'est le Seigneur Jésus qui apporte. Vous voyez effectivement que les apôtres, les disciples ne connaissent pas quoi que ce soit concernant l'apostolat jusqu'à ce que Jésus dit, quand il passe, il touche, il dit, toi, viens, tu es apôtre, toi, tu es apôtre. Là, ils ne comprennent pas vraiment, parce que apôtre, ça veut dire envoyer en avant. Envoyer en avant. Et puis, au chapitre 10, justement, on va effectivement dire qu'il va choisir ces gens-ci, il va aussi envoyer en avant devant lui. Or, vous voyez effectivement que il va choisir 70 autres disciples qu'il va envoyer devant eux. Donc, il les envoie devant, marcher devant eux, sans qu'ils ne portent le ministère de l'apôtre. Je ne sais pas si vous saisissez. Ce sont les apôtres. Au chapitre 10 de Saint-Luc, il va choisir 70 autres disciples qui va les désigner en les désignant 2 à 2 à aller devant de lui. Le fait qu'il les envoie 2 à 2 devant lui pour marcher dans tous les villages où il lui-même devait prêcher par la suite, ça ne veut pas dire qu'ils sont apôtres. Vous voyez le problème que nous avons maintenant? Pourtant, la Bible déclare, quand Paul l'apôtre se présente, il dit que Paul, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il se présente comme ça. Or, c'est lui qui a été désigné par Dieu, par la volonté de Dieu, pour amener la foi chez les païens. C'est terrible. La question c'est, quand quelqu'un vit aujourd'hui, il dit qu'il est apôtre, et qu'il prêche une vision qui est contraire même à la Bible, d'où détient-il son apostolat? D'où? Alors, les apôtres de la Bible sont désignés par le Seigneur qui les envoie, parce qu'il les envoie pour une mission bien déterminée. Les apôtres de la Bible ne s'écartent pas de la doctrine des apôtres initialement instaurés. Parce que les premiers apôtres ont dit qu'il n'y a plus une autre doctrine. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 11, que ce soit eux, que ce soit nous, c'est ce que nous prêchons. Donc il n'y a pas de différence. Au chapitre 11, le verset 16, il a dit que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas comme ça ses habitudes. Pas non plus comme les églises de Dieu. Donc il n'y avait pas de contestation entre ce que les apôtres enseignaient. Tous les apôtres du Seigneur étaient unanimes par rapport à la doctrine qu'ils enseignaient. Mais aujourd'hui, les apôtres dits de Jésus viennent contredire les autres apôtres, les premiers apôtres de Jésus. C'est grave. On peut encore dire qu'on contredit quelqu'un parce qu'on peut dire que non, quelqu'un a sa part d'interprétation. Mais pour qu'il vienne contredire ce que celui de la Bible a dit, c'est terrible. Ces gens-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs que le Seigneur ne connaisse pas et que Lucifer a envoyé, le dragon rouge a envoyé en implémentant avec leur esprit des dragons. L'Espagne de la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère. Ça, c'est le premier volet de la question. Dans la deuxième partie, nous allons continuer à développer jusqu'à ce qu'on va toucher maintenant comment savoir qu'on est appelé en tant qu'apôtre et comment connaître son appel. Que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure, moi. Oui. Ok. Tes côtés, Seigneur, ma force. forteresse. C'est toi, Seigneur, et je te chanterai, Seigneur. Yo te cantaré de todo mi corazón.